plein temps, faut de la money, yeah. Mais qui prendra mes patins si ça finit mal? Papa, non, la nuit, m'endors calibré. Tu peux continuer de prier, mais t'arrêtes pas les balles. Elle vient du 16ème, chez moi c'est la jungle. Perquisition, les parois, baby, c'est réel. Des problèmes dans la tête, défoncé sous Jack. Peu de choses qu'on peut raconter, tu connais la règle. En hôtel, en auto, les poches pleines de yellow. Habillé en Gucci, tout petit, j'en rêvais. À 10h, le bitume est rempli de bolos. Obligé de rentabiliser, mes démons m'appellent. J'ai pas le choix, je dois répondre présent. Quand le mal est fait, j'entre avec Scala, pas à la maison. Tous ces années, ouais, de galère, le temps perdu sur ma Rolex, j'ai rentabilisé. J'ai trois affaires proches de Palerme, loin d'avoir la vie d'un gangster, j'ai rentabilisé. J'ai fait ce qu'il fallait. Attiré par la page du gain, j'ai fini déscolarisé. J'ai avé mandat dépôt, j'en ai perdu du temps. Trop d'amour pour la tête, j'aurais pu finir PDG. Transformer la poudre en peso, c'était mon quotidien. Croise-moi sur l'avenue des champs, dans un paquet M4, y'a rien de méchant. Oh non non non, peu de choses ont géchant. Maintenant j'fais du rap, j'traîne avec les mêmes lascars. J'suis la pénitence pour l'essentiel. Pareil sur une île, on a qu'une vie. Loin d'avoir le train de vie d'un gangster. Quand le mal est fait, j'entre avec Scala, pas à la maison. Toutes ces années, ouais, de galère, le temps perdu sur mon Rolex, j'ai rentabilisé. J'ai trois affaires proches de Palerme, loin d'avoir la vie d'un gangster, j'ai rentabilisé. J'ai fait ce qu'il fallait pour le voir les violets. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai rentabilisé. Ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai rentabilisé. Tous ces années, ouais, de galère, le temps perdu sur ma Rolex, j'ai rentabilisé. Deux, trois affaires proches de Palerme, loin d'avoir la vie d'un gangster, j'ai rentabilisé. J'ai fait ce qu'il fallait pour le voler violet. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai rentabilisé. Ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai rentabilisé.